Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, découverte de Cabocel, un système basé sur le système d'échange local. Et pour nous présenter tout ça, nous accueillons en studio Christine et Michel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans ce studio de Fadjet pour nous parler du système d'échange local, le Cabocel. C'est à la MJC Lorraine que vous êtes installé. Tout à fait. Oui, on est installé à la MJC Lorraine depuis avril 2014. On va fêter nos 10 ans en 2024. Pour nous définir un peu, c'est quoi un système d'échange local ? C'est des personnes qui se regroupent dans un CEL pour échanger. En fait, échanger quoi ? Échanger des biens. Des savoirs. Des savoirs et des services. Et ça existe depuis longtemps, ça existe un peu partout en France. Alors, ça existe depuis longtemps, il y en a même à l'étranger. Moi, c'est mon deuxième CEL. Mon premier CEL s'appelait différemment et c'était il y a 20 ou 25 ans sur Villers. D'accord, on va revenir après sur pourquoi vous êtes engagé. Un mot déjà sur le nom, Cabocel, ça veut dire quoi ? Alors Cabocel, je peux vous le raconter parce qu'au départ, on était trois à vouloir créer un CEL. Et un de nos, créateurs, qui s'appelle Alain, a dit Cabocel, c'est pour du lien social, c'est pour aider des personnes qui quelquefois sont en difficulté, mais pas que, et qui sont un peu cabossées par la ville. Alors pourquoi pas la cabosse ? Parce que la cabosse, c'est du chocolat et le chocolat, ça adoucit la vie. Et donc la monnaie que vous échangez, ça s'appelle la cabosse. La cabosse. Alors pour nous expliquer aux auditeurs vos rôles respectifs, donc on va commencer avec Christine. Alors nous, on a choisi d'être une activité de la MJC Lorraine parce que ça simplifie beaucoup les choses. On n'est pas en association loi 1901. Mmh. Donc pour gérer l'association, nous ne sommes que des bénévoles et nous sommes des animateurs. Actuellement, nous sommes 7 animateurs à gérer des choses différentes. La communication, moi c'est la communication par exemple. Ouais. Michel a un autre rôle, moi, il peut peut-être vous le dire. De tout ce qui est les tableaux, les suivis de cabosse, Voilà, donc chaque adhérent qui font des échanges, en plus ou en moins, c'est moi qui comptabilise les cabosses et donc qui envoie chaque fois qu'il y a eu des échanges ou à nos adhérents, les cabosses qu'ils ont sur leur tableau. Voilà, un peu le trésorier en fait. C'est l'équivalent. Oui. Et alors j'ai même vu en préparant cette émission que vous donniez des surnoms au sein de la cabosse. Des pseudos, voilà. Voilà. Oui. Alors voilà. Autour de la table, on a donc Crocus et Moustique. Tout à fait. C'est vrai. Moi je suis Crocus. Et moi je suis Moustique. Voilà. Donc on voit que c'est une belle ambiance au sein de Cabocel. Alors après, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, on a compris qu'il y a une monnaie qui s'appelle la cabosse. Il y a des échanges de services, de biens. Expliquez-nous après concrètement si quelqu'un qui nous écoute voudrait venir participer. Comment ça marche ? Alors, si quelqu'un veut adhérer à Cabocel, il vient à une rencontre. C'est une rencontre par mois. Nous avons toutes les dates sur le site Cabocel qui se trouve en tapant MJC Lorraine. Et ils viennent nous rencontrer lors d'une rencontre mensuelle où tous les adhérents viennent. On a en général 30 à 40 personnes qui se rencontrent un lundi soir. On leur explique comment ça fonctionne. Ils peuvent adhérer s'ils ont envie d'adhérer. Et ils verront qu'on va faire connaissance avec tous les adhérents pour mieux échanger. Alors actuellement, nous sommes environ 90 adhérents. On n'est pas obligé de venir à chaque rencontre. Oui. On peut faire des échanges directement par Internet. Vous avez besoin de quelqu'un, par exemple, je sais pas, pour faire de la couture. La personne envoie un message sur Internet. Et à ce moment-là, on envoie le message à tous les adhérents. Et les adhérents répondent à cette personne-là pour faire cette couture. Voilà, ça peut être pour de la couture, ça peut être pour de la cuisine, ça peut être pour du bricolage. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec un catalogue qu'on appelle le catalogue d'offres et demandes. Quand une personne vient adhérer, par exemple, la première fois à la MJC Lorraine, il nous rencontre, on lui propose des offres et des services. C'est-à-dire, il vient, il adhère, mais lui, il offre quoi ? Il demande quoi ? Donc, il peut offrir, par exemple, des dés pour un déménagement. Il peut offrir, en fonction de ses compétences, de la couture ou du bricolage. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il demande ? Et en fin de compte, quand on vient pour adhérer, on vient demander, mais aussi on vient offrir. Ce qui fait que nous, on veut que les personnes soient vraiment interactives à Cabocel. Et c'est ce qui fait la richesse de notre CEL, qui fonctionne très bien parce qu'il va avoir 10 ans et on voit que les gens restent, ou même s'il y a un turnover, mais les gens restent longtemps. Et donc, nous faisons aussi des sorties, par exemple des sorties sans pignon, où on fait aussi des repas nomades pour avoir du vin, pour pouvoir se rassembler. Oui, au-delà du fonctionnement et des échanges de savoir et de biens, il y a une vraie vie quasiment associative, même si ce n'est pas une association. C'est une vie associative, il y a du lien social, bon c'est sûr que c'est pour se rendre service, mais c'est aussi quelquefois des sorties culturelles ou des sorties qui ne demandent pas d'argent, puisque nous on ne veut fonctionner qu'avec notre monnaie virtuelle, la cabosse, ça permet à toutes sortes de gens, même en difficulté financière, de pouvoir participer à fond comme n'importe qui à Cabossel. Vous avez parlé d'une adhésion, elle est de 3 euros, c'est ça? Alors, l'adhésion à Cabossel est de 3 euros et à la MJC Lorraine, bon, il faut adhérer aussi, à 8 euros. Mais vous pouvez adhérer pour autre chose à la MJC Lorraine et venir à Cabossel juste pour 3 euros. Et après, la cabosse, alors, pour le trésorier qui est en face de moi, comment ça marche? On arrive, on a. Alors, vous vous inscrivez déjà, quand vous allez vous inscrire à un Cabossel, vous avez le droit à 30 cabosses. Oui. Déjà, au départ. Ça, c'est cadeau, ça, c'est offert. C'est offert. Et ensuite, eh ben, l'adhérent peut commencer à faire des essences. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Après, les services, est-ce qu'ils ont des valeurs différentes de cabosse? Le temps de quelqu'un, quelle que soit la proposition qu'il fait en service, s'il donne une heure de temps, c'est toujours 4 cabosses. Pour tout le monde pareil, que ce soit pour n'importe quoi. C'est un règlement intérieur qu'on fait signer, on dit, bon, bah, vous vous donnez une heure de votre temps, c'est 4 cabosses pour tout le monde, on est à égalité. Hein. Par contre, pour tout ce qui est échange d'objets, alors là, c'est, on va dire, chaque personne qui échange avec l'autre, qui trouve un accord, nous, on n'intervient pas. Décide de la valeur qu'ils donnent à leur objet, eux-mêmes, voilà, entre eux. Vous nous avez, il y a des rencontres une fois par mois, c'est les lundis, c'est entre 18h30 et 20h30. Donc pour des auditeurs qui aimeraient découvrir un peu, il suffit de venir à ces rencontres pour échanger avec tout vous. Tout simplement, on propose toujours à la personne de venir à la rencontre au moins une première fois, voir comment ça se passe, parce que bon, c'est une expérience, déjà vous rencontrez des tas de gens différents, de milieux différents. Vous échangez avec eux, parce qu'on fait ce qu'on appelle l'explication de ce qu'est le sel, Cabossel, et aussi on fait ce qu'on appelle un tour de chaise, c'est propre et nous, on veut que chacun ait la parole, pour dire voilà, je suis là pour telle raison, je suis là aussi pour une telle demande, je suis là aussi pour une telle offre, et à la fin on termine par un pot convivial, et là c'est vraiment très très sympathique, d'ailleurs les gens ils ont du mal à partir. Et lors aussi de cette rencontre, on fait aussi une bourse, donc les personnes amènent ce qu'ils ont échangé, on étale tout sur la table, et donc tout le monde se sert, et contre des cabosses aussi, pareil. Parlons maintenant de votre implication, justement, dans ce système d'échange local. Vous nous avez dit que ça faisait quelques années. Hein, que vous moi, ça va faire... ça fait 9 ans que je suis à Cabossel. Et vous, déjà avant, vous J'étais dans un autre sel, je pense que je suis la seule de Cabossel à avoir été dans un sel, j'avais une quarantaine d'années, et c'était un autre lieu, c'était à Villers. On fonctionnait un peu différemment, on était en association. Mais moi, j'avais besoin de ça, ça a apporté un plus dans ma vie. Et quand on a créé Cabossel, donc j'étais à l'origine, à la création, avec 2 autres personnes, et ce sel-là est un peu plus organisé parce qu'on est beaucoup plus nombreux à gérer le sel, et il marche très bien. Qu'est-ce qui vous plaît justement particulièrement dans ce système? Rencontrer des gens très différents, avoir des activités très différentes. Et puis aussi, si vous voulez, il y a aussi la partie écologie maintenant. Parce que moi, dernièrement, mon fer casse, mon fer à repasser. Je demande à quelqu'un, est-ce que vous avez un fer à repasser? Et j'ai changé contre des cabosses. Je n'ai pas été racheter un fer. Et c'est valable, on fait même des économies. Et Michel, alors, comment vous avez découvert ce principe de système d'échange local? J'ai découvert grâce à un animateur que je connais très bien, Alain, et qui m'a fait effectivement faire découvrir Cabossel. Et bon, maintenant, ça va faire 7 ans, et je m'y trouve très bien. Et vous proposez des services? Beaucoup, moi surtout que je suis un grand jardinier, j'ai tout du matériel pour faire du jardin, un motoculteur, des broussailleuses, etc. Souvent, les gens ont besoin de services pour leur jardin, et je suis très, très, très pris, oui. Ce serait à refaire, vous n'hésiteriez pas à vous réinvestir? Pas du tout. Donc on n'hésite pas à vous contacter à Cabossel et à vous rejoindre aussi, proposer ses services. À nous rejoindre, tout le monde à sa place. Tout le monde à sa place. Les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Voilà. Et là, en ce moment, on a une jeune fille qui est adhérente, qui a à peu près 30 ans, qui travaille au milieu des étudiants, qui a pris des flyers pour distribuer aux étudiants. Il faut savoir que les étudiants ont beaucoup de difficultés en France actuellement. Et donc, on a été appelés à aller les aider, à leur donner, des cafetières, tout du matériel dont a besoin un étudiant au début de scolarité. Voilà. Donc, on est solidaires avec les étudiants aussi. C'est un public aussi qui pourrait vous rejoindre, les étudiants, même si, bien sûr, ils sont peut-être... Oui, et d'ailleurs, au début de notre création, on avait beaucoup d'étudiants qui venaient. On avait une petite étudiante du Maroc qui n'avait rien du tout. Elle avait besoin de beaucoup de matériel. On lui a fourni, parce que les anciens, nous, on a plus de matériel que les jeunes. Et on avait des jeunes couples qui arrivaient, qui n'avaient même pas un matelas, pas un lit. On les aidait, même pour un déménagement. Et actuellement, nous sommes aussi en train de mettre en place la route des sels, que Christine va vous parler. Oui. Alors justement, là, on vient de découvrir que... Parce que j'ai une personne qui m'a téléphoné dernièrement chez moi, elle a trouvé mes coordonnées, elle habite à Paris. Elle voulait être hébergée chez un celliste, ça s'appelle la route des sels. Mm-hmm. Nous, jusqu'à présent, on n'avait pas adhéré à la route des sels, mais ça y est, c'est fait. Ce qui veut dire que nos adhérents qui seront à Cabossel pourront être hébergés sur toute la France et même dans des pays limitrophes, gratuitement. Et les adhérents voilà, pourront parce aussi... Parce que c'est un échange entre ces listes, sur la France et même des pays étrangers. Nos adhérents pourront aussi recevoir... Et on pourra aussi recevoir des personnes d'autres selles, bien sûr. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se développe, qui va maintenant toucher aussi les logements, et là aussi pour des personnes qui auraient pas forcément... Alors ce serait pour un jour, deux jours, trois jours, là ce serait un temps court, mais c'est un plus. Voilà une belle solution, là, le trésorier des Cabos va avoir beaucoup de travail. Tout à fait, on va pas arrêter. Mais c'est énormément de travail, il y a beaucoup d'essences, tous les mois il y a quoi, une soixantaine d'essences et tout, voilà, il y a beaucoup de travail, oui. Mais c'est bien parce qu'il y a un suivi, il faut avoir un bon suivi. Le système d'échange local aujourd'hui, on voit que ça a une certaine importance, que ça a un vrai impact et que ça marche. Et ça va faire des petits, vous avez des contacts déjà? Oui, alors justement, c'est pas nous qui sommes allés vers eux, c'est plutôt des personnes qui sont venues vers nous. Je me souviens de personnes qui avaient adhéré, qui venaient de Liverdun. Ils ont rejoint Cabossel et à un moment donné, ils ont dit notre objectif, c'est de créer un sel. Donc nous, en tant qu'animateurs, on est allés rencontrer des personnes sur Liverdun, je me souviens. Et ils ont créé leur propre sel, Céleste, et ça marche très bien. Une fois aussi, on a eu une prof d'économie qui était venue nous rencontrer et on se demandait pourquoi. Et en fait, elle voulait créer un sel pour les élèves de Varocco à Tomblaine. Donc, elle nous a demandé d'intervenir devant les élèves. C'était des élèves de première, je crois. Et nous y sommes allés et les jeunes ont créé leur sel, le sel du lycée. Donc, si des profs nous écoutent, ils peuvent vous contacter. Oui, on a aidé un lycée, on peut aider d'autres lycées. Pour vous rencontrer les lundis, une fois par mois, la prochaine date pour date, c'est le lundi 20 novembre, de 18h30 à 20h30, à la MJC Lorraine, à Vendeuvre-les-Nancy. Et avant ça, si on veut vous contacter... Alors, vous pouvez nous envoyer un mail ou bien nous téléphoner. Eh bien, on mettra les coordonnées sur la page. Voilà, vous pouvez du mettre nos coordonnées. Et sinon, sur le site de l'MJC Lorraine, on vous trouve facilement. Sur le site, oui, il y a tous nos coordonnées. Il y a le mail et il y a nos numéros de téléphone à Michel et à Christine. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à Crocus et Moustique, alors. Merci beaucoup à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net. Oh.